9-15, observation. Faire du sport, jouer à un jeu. Activité. Mireille fait du ski. Elle fait de la natation. Elle fait de l'escrime. Jeu. Jouons au loto. Il joue à la belote. Jouons aux dames. Le ski, la natation et l'escrime sont des activités, des sports, mais ce ne sont pas des jeux. Avec les activités, on utilise le verbe « faire » et « du », « de la » ou « de l'apostrophe » ou bien « des ». Le loto, la belote, les dames sont des jeux, mais ce ne sont pas des sports. Avec les jeux, on utilise le verbe « jouer » et « au », « à la », « à » l'apostrophe, ou « au », à UX. Notez que le tennis est une activité, un sport. On dit « Mireille fait du tennis ». Mais le tennis est aussi un jeu, avec des règles. On dit aussi « Mireille joue au tennis ».